Un jour sur deux, un jour sur trois, le cœur n'y est pas. Doucement la lumière s'éteint, la mort fait son chemin. Un jour sur deux, un jour sur trois, par crainte d'en finir, d'être juste un souvenir. Un soleil rouge sang, un soleil fort et brûlant. Perdu au creux des vagues, ma tête tourne, je divague. Un jour sur deux, un jour sur trois.